Je pars complètement un bad très plaisant. Quand tu fumes ou que tu bois mal, faut gérer ça. Quand on brûle notre sauvage, on fait fumer l'asphalte. Fatitude sur Paname, on vient même vers chez toi. Je pars complètement un bad très plaisant. Quand tu fumes ou que tu bois mal, faut gérer ça. Quand on brûle notre sauvage, on fait fumer l'asphalte. Fatitude sur Paname, on vient même vers chez toi. Bienvenue dans mon batterie. Considère ça comme un ego trip, un son à prendre à 4 degrés, 8, resserre-moi un verre de Ballantine. Que j'oublie la Saint-Valentine. Cupid, on m'a trop pris pour un con comme Thibaut. Tu peux dire que je tourne en rond comme Switch. J'aimerais enfermer mon âme dans une bouteille de Jack, mais au lieu de ça, je fais des textes sur de la basse. Un vrai son qui tabasse, qui se transmet dans tes enceintes ou alors à travers ta paire de casques. Elle me fait penser à autre chose. Elle est dans mon corps, il faut croire que même ma conscience titube et frôle l'overdose. N'est dans le sang moins autre chose. Je l'ai dans le sang, dans le cerveau. Je suis présent mais pas trop. Je vous présente mes patrons. Jack Bedo, JB Chivas. Je suis défoncé, vas-y laisse-moi. L'alcool coule de joie, en folie dans mon foie. Je l'ai dans le sang, dans ma voix. Ça se termine à chaque fois. Je suis triste, je tire une tape pour m'endormir dans la joie. Je pars complètement un bad très plaisant. Quand tu fumes ou que tu bois mal, faut gérer ça. Quand on brûle notre sauvage, on fait fumer l'asphalte. Fatitude sur Paname, on vient même vers chez toi. Je pars complètement un bad très plaisant. Quand tu fumes ou que tu bois mal, faut gérer ça. Quand on brûle notre sauvage, on fait fumer l'asphalte. Fatitude sur Paname, on vient même. Je bad avec le spliff à la main, bouteille de Jack sur la table et je tchatch comme un taré poulou tchatch. Viendra teaser pour que mon staff soit préparé, je tire une taf avant de poser et je tarte vos appareils quand je pars. À se remonter c'est que je viens descendre une taille. Tu ponches et tu ouanges de bœufs pour voir bouger les têtes. Mais peut-être qu'un jour je redeviendrai sain. Peut-être qu'un jour cousin je prendrai plus de damoiseaux. J'étais un putain de casseuse. Quand je repense aux premières fois, première soirée, première cut, première gueule de bois, y'en a qui prennent des rails, pas pour faire un pareil lieu. C'est aussi bizarre qu'un pote à toi, seringue et garrot, garrot 14 février. Ouais, regarde le défilé de célibataires qui bataillent pour éviter de bader. Mamzelle, arrête la white et viens whiner toute la soirée. À 6h du mat, je réallonge.